je m'en bats les steaks, je parlais ma plume, j'ai rien à perdre la galère, ça tue, tu t'assois, tiens une banane dans le cul, une génération des guettes, vite le mic, il faut s'en rafaler la pelle pour une paire de Nike, suffit les couler trop la mêlée dans la ville, tu t'arrêtes, passer la nuit, je t'ai fait mêler, puis gratter de la maille, c'est marrant, c'est elle qui paye. Mec, j'ai rien à perdre, l'important c'est d'être fier, tranquille, mais toujours aussi brave, parfait sur les choses que font les deux traits, les victimes ou les poux, caveux, c'est grave, car grave, on nous restera ce putain d'héritage, que tous les rageux ferment leur bouche et subissent sur beat, frôlo, c'est le carnage. Et ouais mon frère, je n'ai plus rien à perdre. Balance une instru qu'on te fasse mal à la tête. Des phases de fou, j'en ai plein mon impair. Je rappe pour les frangins qui manquent à l'appel. Des soucis à l'appel, donc on se débrouille. J'ai plus rien à perdre et tu me casses les couilles. C'est le désert dans mes fouilles. C'est la vie de rêve rongée par la rouille. Donc je reviens avec un style de fou et ma grosse barbe rousse. Putain de merde, fais bellec à toi frangin. Car ici bas c'est la brousse. On en a plus rien à foutre. C'est la déche, on a que dalle à perdre. On a des flammes dans les yeux. Il nous faut plus qu'une étincelle. On va tout plaquer. On va tout plaquer. Ça te bouffe gros. Ok devant l'équipe ça panique. Clac t'es dans les MC. Galère trop à remonter le niveau. Sur speech t'es derrière mes riffos. Maltraite le micro studio. Ça fait mal je le sais. Tu le sens rien à perdre. Car cousin j'ai les crocs. Man il est temps que je te dise. Ça va mal et c'est moi qu'on accuse. On subit les causes des choses qui fâchent les gens. Tu passes les dents, tu pâtes les bancs. Il est temps qu'on arrête. Moi je veux ma baraque et me barrer. Taper des barres et finir bourré. Plus rien à perdre, j'irai pas j'trouer. J'ai plus rien à perdre, des rimes à l'appel. J'appelle l'Everest qui bouffe la gamelle. T'es sur la paille et moi j'entends la veille. Le 6 ça tombe et les yang yang j'harcèle. Tu veux de la vraie, de la pure, bah appelle. Jure sur ma belle, si le deal me condamne. C'est pour le bouton, pas ceux qui manquent à l'appel. T'es fou, j'te rappelle qu'on a plus rien à faire. On a rien à perdre, happé par ce système. Et ouais, c'est rare qu'on ait dit je t'aime. Ici y'a pas de rose, y'a que des chrysanthèmes. Et ouais, putain de merde, on crie, on saigne. Mais on est encore là. C'est le putain d'Irish qui t'emmène profond dans le coma. On va tout plaquer. On n'a rien à perdre, car on n'a rien à perdre. On va tout claquer, on va tout claquer. Car on n'a rien à perdre, car on n'a rien à perdre. On va tout claquer, on va tout claquer. Car on n'a rien à perdre, car on n'a rien à perdre. On va tout claquer, on va tout claquer. Car on n'a rien à perdre, car on n'a rien à perdre. Belek, j'arrive sur le beat comme une tempête. Ouais, t'as reconnu le style de l'escroc. Comme à l'habitude, le beat, je le maltraite. Ça va faire mal, protège tes sapes, dans ma chair à la perte. Donc ma riche, ça pète. Je fais face au bec, un gros pilon, un putain de flou qui rate jamais la tête. 9000 ici, tu cherches les PM Pro pourtant. On mérite tous autant de sortir de la haisse. Cousin, je veux des liasses par palais. Que mon rap me fasse enfin quitter le check. J'en passe une pour les frères Apollo Heps. Pour les petits de chez nous qui maintenant pèsent. Pour ceux qui pèsent pas et qui n'ont rien à perdre. Pour l'ami, pour les 11 qui sont là toujours prêts. Putain, ils parlent de nous que dans la page négro. Ici, la vie qu'on mène ressemble à l'égro. On n'a pas pour habitude d'en faire trop. On n'a rien à perdre, mais on a l'égro. On casse des briques, rien qu'avec l'écho. Nous, on se met frais quand toi tu claques des côtes. Tous les fois, MC reste sur le déco. Je te l'ai déjà dit, mais qu'on a l'égro. On a la rage de venir, on nous montre se mérir. Pour les mecs qui sont habillés. Je lève mon rôle, pas la patte, tu te fais enquiller. Ça, ça me surhabille. Moi, c'est d'absoucan aussi. Et je paye mon code. T'as du cos pour moi, je suis un S-Mayer. Je t'emmule dans le siècle. Faut les potos, les checks. Y'en a marre des parasites. J'ai paralysé, je suis parasite. Moi, en mode Yamakasi, je me pète les beurs. On va tout plaquer. On va tout plaquer. Car on n'a rien à perdre.